Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est une personnalité oubliée de l'histoire algérienne, disparue en 2010 dans une indifférence quasi générale. Née en 1926 près de Sétif, Djamila Debbèche anima à partir de 1942 des émissions sur Radio Alger dans lesquelles elle tâchait de sensibiliser les femmes algériennes à des questions telles que la scolarisation des filles ou le mariage forcé, contre lequel elle prenait position. L'Action, la revue sociale, féminine, artistique et littéraire qu'elle lança en 1947, entendait quant à elle exprimer, comme elle le formulait dans le premier numéro, le désir profond des musulmanes algériennes de contribuer à l'organisation sociale dont le pays avait, disait-elle, un si pressant besoin. En 1947 parut également son premier roman, Leïla, jeune fille d'Algérie, suivi 8 ans plus tard par Aziza. Des récits d'inspiration autobiographique dans lesquels elle questionnait une identité plurielle. Le 5 décembre 1962, 6 mois après l'indépendance du pays, c'est une autre romancière née en Algérie, Marguerite Taos, connue plus tard sous le nom de Taos Amrouche, qui recevait Djamila Debbèche sur la chaîne parisienne. L'étoile de chance. Une émission de Marguerite Taos. Aujourd'hui, Djamila Debbèche. Réalisation Marcel Sicard. Djamila Debbèche, vous êtes la première femme d'Afrique du Nord que nous recevions ici à l'Étoile de Chance. J'ai gardé un souvenir très vif de notre première rencontre dans un café. Vous vous souvenez ? Certainement. Vous êtes venue à moi avec une aisance qui vous caractérise et une franchise qui sont très très rares de nos jours. C'était tout naturel. Deux compatriotes qui se rencontrent en métropole et pour la première fois, il était naturel que je vienne vers vous pour faire votre connaissance. D'abord, j'avais entendu parler de vous et c'était pour moi une grande joie que d'avoir une compatriote écrivain. Et... Voyez-vous, Djamila Debbèche, je ne sais pas si l'on vous l'a dit, il y a quelque chose de tout à fait insolite dans le mélange qu'il y a chez vous de l'Occident et de l'Orient. Pourquoi cela ? Je vais peut-être employer une curieuse comparaison. C'est comme si je prenais un flacon de parfum d'une apparence très parisienne et que je découvre une essence d'Orient à l'intérieur de ce flaconnage. Vous voulez dire que je suis une synthèse de l'Orient et de l'Occident ? Je crois que vous avez prononcé le mot. Oui, cela se peut, car la plupart du temps, lorsqu'on me voit, on ne me différencie pas d'une méditerranéenne ou bien d'une femme. Puisque j'ai eu le bonheur de faire plusieurs voyages en Asie, lorsque j'étais au Japon, je me sentais très à l'aise. Lorsque j'étais en Inde, je me sentais très à l'aise aussi. Par conséquent, je crois que j'ai gardé mon origine, j'ai gardé tout ce qui m'était cher de mes origines, mais cela ne m'a pas empêché d'évoluer, de me sentir à l'aise partout. Donc, j'accueille ici non pas simplement la secrétaire générale du Pen Club algérien et la journaliste et l'auteur du livre Aziza, mais surtout la féministe, une féministe ardente. Parce que, n'est-ce pas, vous avez commencé cette croisade très jeune, en un temps où il n'était pas si facile de s'atteler à cette tâche. Oui, il y a une vingtaine d'années, l'évolution de la femme musulmane était encore tout à fait à ses débuts. Évidemment, tout le monde était acquis à cette évolution, mais il fallait la propulser, il fallait organiser un mouvement et il fallait surtout promouvoir des bonnes volontés en faveur de la femme. Je dois dire que je n'ai pas toujours rencontré l'accueil que j'aurais dû rencontrer. « Je ne suis pas une citadine. Je suis, de par mon ascendance paternelle, des hauts plateaux de Sétif. Et de par mon ascendance maternelle, je rentre de plein pied dans la famille saharienne. J'ai été élevée par ma famille maternelle. Et je dois dire que la chance, la providence s'est manifestée dès ma naissance, car dès ma naissance, alors que l'on attendait un garçon, c'est une fille qui est arrivée, et cette fille que personne ne voulait voir dans ma famille paternelle a été adoptée par la famille maternelle. J'ai donc été élevée par ma famille maternelle qui était toute acquise à l'évolution de la femme. C'est donc au désert, aux horizons illimités, que vous devez cet amour de l'indépendance qui vous caractérise. Oui, je suis éprise de liberté et d'indépendance. Et je crois en effet que ce sont mes origines maternelles, mon Sahara d'enfance qui a marqué profondément et qui marque profondément, car ce goût pour l'indépendance et la liberté m'a caractérisée jusqu'alors. Et il vous a fait faire de grands voyages, je crois bien. J'ai eu la bonne fortune de voyager en Asie, en Afrique, et j'ai eu cette grande chance de pouvoir aller en Occident à la fois et de comparer les différentes situations de la femme, puisque ça a été dès le début, dès mon enfance, le sujet qui m'a passionnée et qui m'a intéressée. C'est là un sujet excessivement grave. Et lorsqu'on vous fréquente, lorsqu'on vous connaît, vous frappez en réalité par un optimisme souriant et une vaillance à toute épreuve. Et vous êtes un être absolument animé par un idéal et vous frappez toujours sur ce clou. Ah oui, ça je dois dire que l'évolution de la femme musulmane est une question qui a été la base de ma vie et qui a même dirigé toute ma vie. Parce que elle est née d'ailleurs, cette vocation, si je puis dire, d'un sentiment de révolte. Le fait que j'étais une fille et que je n'ai pas été accueillie dans la famille paternelle comme j'aurais dû être accueillie, m'a quelques années plus tard frappée. Je me suis promis de faire en sorte que désormais toute mon action tendrait à prouver qu'une fille pouvait valoir un garçon. Djamila Debbesh, nous allons, si vous le voulez bien, examiner très attentivement votre ciel. Parce que, n'est-ce pas, vous croyez à la baraka? Certainement. Il n'est pas possible que vous n'y croyez pas. Certainement, je viens de vous dire que je suis une fille de la baraka, puisque oui. La chance a voulu que je sois une fille au lieu d'être un garçon. Nous sommes bien d'accord. Mais j'aimerais savoir quels sont les êtres que vous voyez se pencher vers vous pour vous aider dans cette mission qui est la vôtre. Ma famille maternelle qui m'a adoptée. Vous venez de le dire. Mon tuteur, c'est Ahmed Ibn Zekri, proviseur du lycée d'enseignement franco-musulman, qui était un homme remarquable, qui a élevé, qui a éduqué 3 générations d'Algériens. Mon tuteur, le cheikh Ibn Zekri, était proviseur du lycée d'enseignement franco-musulman et il était tout acquis à l'évolution de la femme. Mais comme il était aussi président de la cultuelle musulmane, comme il portait le guenour traditionnel et la gandoura, et que je bousculais un petit peu les traditions établies, il ne voulait certainement pas m'encourager publiquement, mais il m'encourageait moralement, et c'est forte de cette aide morale que j'ai pu entreprendre une croisade en faveur, je dis bien croisade, car à l'époque, je crois que c'était une croisade, en faveur de la scolarisation des filles d'abord. Et ensuite, j'ai fondé, pour appuyer cette action, j'ai fondé un journal qui justement s'appelait l'Action, oui. L'AMEL. Et par la suite, j'ai également fait énormément de conférences à la radio d'Alger, et toujours avec le même sujet qui tendait à prouver que le Coran n'était pas un obstacle à l'évolution de la femme musulmane. Et à force d'enfoncer ce que vous appelez un clou, j'ai finalement quand même réussi à convaincre pas mal de gens. Mais, Djamila Debbesh, tout de même, dans l'histoire de votre famille maternelle, quel est l'événement qui est survenu et qui vous a sorti les uns et les autres de votre horizon saharien? pour vous mener vers l'Occident. Un jour, aux Ouled Jelel, deux voyageurs sont arrivés à l'oasis et mon grand-père, qui connaissait à fond le désert, leur a servi de guide. Ce n'est qu'à la fin de cette visite que l'un des deux voyageurs s'est fait connaître. Il s'appelait Albert de Monaco. Et il a invité à ce moment-là mon grand-père à venir lui rendre visite à son tour à Monaco. Et c'est ainsi que mon grand-père un jour a débarqué avec son guenour et son burnous dans la principauté. Et par la suite, lorsque je suis venue au monde, bien sûr, j'ai franchi la Méditerranée pour aller connaître ce beau pays. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai écouté les premiers chants italiens et que j'ai été très attirée par toute cette musique occidentale qui ne m'a pas éloignée du tout de mes origines. Et je retrouvais avec plaisir la flûte que mon grand-père me jouait le soir, de même que j'écoutais tous ces opéras qui pour moi étaient nouveaux et qui m'entraînaient dans un monde différent de celui que je connaissais. Jamila Debbouze, je voudrais connaître le secret de cette aisance qui me frappe, moi. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait en vous du Yaouled, du Gavroche, et en même temps, vous portez aussi cette hospitalité princière propre aux gens d'Afrique du Nord et plus spécialement des Sables. Et alors, je ne vous ai jamais vu emprunter dans aucun salon. Vous êtes partout chez vous et je voudrais savoir si encore là, il n'y a pas le signe d'une chance exceptionnelle. Oui, je crois que, en effet, ce que vous dites est très juste. Je ne me sens dépaysée nulle part. Ainsi, lorsque j'ai été en Asie, au Japon, je ne me trouvais pas dépaysée. Lorsque j'étais en Inde, je n'étais pas dépaysée non plus. Et partout où je suis passée, je crois que j'ai été très à l'aise. Mais là, je rejoins un petit peu... Beaucoup même ce que disait Azubaïdi, le poète de Cordoue, parce que je pense que ce qui s'applique le plus à moi, la terre entière, disait-il, dans sa diversité est une et les hommes sont frères. Puisque je tire mon origine de la terre, toute terre est ma patrie et tous les hommes sont mes parents. Et partout où je suis passée, je me suis considérée comme chez moi, ce qui fait que j'étais à l'aise partout, bien sûr. Et c'est d'ailleurs très curieux, cette aisance qui est en vous peut vous être interprétée par certains et d'une étrange manière et vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas en réalité. Oui, là je crois que vous détruisez une légende qui a fait dire que j'étais fière, distante, c'est tout à fait inexact, mais j'ai quand même ce côté un petit peu... je ne dirais pas sauvage, mais solitaire des gens des Sables qui aiment un peu se replier sur eux-mêmes. Et il est évident que certains visages me sont plus sympathiques que d'autres, alors je vais vers eux tout spontanément et tout naturellement. Mais je ne vois pas pourquoi je me confierais ou bien j'irais vers des personnes qui me sont étrangères au prime abord. Alors évidemment, cela a fait dire que j'étais fière et distante, mais quand on me connaît bien... On doit voir que ce n'est pas du tout le cas, puisque je suis plutôt optimiste. Optimiste, joyeuse, vaillante. Et si je devais vous donner un pseudonyme, je crois que ce n'est pas tellement Jamila Debbouze que je vous appellerai. Vous savez ce que je dirais? Non. Jamila Djibrobi. C'est très joli ce que vous me dites. C'est-à-dire, je vais traduire, Jamila, Dieu apporte. Et par là, vous êtes vraiment foncièrement d'Afrique du Nord. Vous n'êtes jamais sombre, vous ne doutez jamais, et on a toujours l'impression qu'il y a une manne suspendue au-dessus de votre tête, et que cette manne descendra. Vous avez une protection, vous le savez. Vous dites toujours, oh Biji, Dieu est grand, Dieu apporte. Oui, c'est ce que je dis, et je le crois sincèrement. Et d'autre part, on peut vraiment dire que vous êtes une fille de la baraka, parce que, où que vous alliez, vous n'arrivez jamais les mains vides. C'est une tradition qui est propre aux gens de chez nous. Vous savez qu'on aime bien partager ce que l'on a. C'est d'ailleurs pour cela que les Algériens ne sont pas très riches, parce qu'ils ouvrent leur maison, ils donnent ce qu'ils ont, et de tout temps cela a existé. Et l'hospitalité de chez nous est une hospitalité qui est très connue, et je crois que la plus grande joie que nous puissions avoir, c'est de pouvoir partager avec l'étranger ou avec l'ami ce que nous avons. Et vous connaissez la définition qu'une vieille femme de chez nous a donnée de vous? Jamila, dhillis l'khair. Jamila, c'est la fille de la prospérité, c'est la fille du bien, de l'abondance. Tout cela rejoint quand même, en réalité, notre étoile de chance, vous ne croyez pas? Certainement, puisque je crois, je vous l'ai dit, je crois que je suis, dès mon départ dans la vie, j'ai été sous le signe de la chance. C'est une très grande chance pour moi que d'avoir rencontré une famille maternelle compréhensive. Et dont il reste encore, je crois, un représentant extrêmement attentif. Oui, ma tante Khalti Mimi, qui continue de veiller sur moi avec la même affection que celle qu'avaient mes grands-parents. Eh bien, Jamila Debbèche, justement, nous disions que vous aviez un pied en Orient et un pied en Occident. Nous avons dit tout à l'heure que votre apparence était assez déconcertante, encore que moi, à travers cette apparence, je retrouve tellement toutes les caractéristiques de notre terre et de notre pays d'origine. Je ne voudrais tout de même pas vous quitter sans donner peut-être lecture, à moins que vous ne le fassiez vous-même, d'un passage de votre Aziza. Volontiers. Un seul incident vint troubler le charme de cette journée. J'avais revêtu après le bal la gandoura blanche et le foulard des jeunes épousés. Fatima était avec moi. Il y avait près de nous une jarre contenant une préparation faite avec certaines plantes qui adoucissent la peau du visage et du corps. Je fis un mouvement brusque pour prendre une serviette et heurter violemment le vase. Il se renversa mais ne se brisa pas. L'eau odorante se répandit, aussitôt bue par le sable. Fatima lança un cri de frayeur et se précipita. Elle observa le sol humide, parut chercher quelque chose. Intriguée et vaguement inquiète, je suivais ses gestes. Lisait-elle dans cette tache le signe d'événements graves? Fatima montrait du doigt les dessins que le liquide avait faits sur la terre. Elle semblait de plus en plus effrayée. Levant alors son visage vers le mien, elle me prit la main et l'examina avec attention. Je m'efforçai de rester calme. Qu'allait-elle m'annoncer? Je vois pour toi, dit-elle, des rires et des chants, mais cela ne durera pas. Tu voisineras avec la mort, mais tu ne mourras pas. Les larmes couleront de tes yeux, si nombreuses qu'elles pourront remplir cette jarre. Tu souffriras encore pour ceux qui te feront du mal, car ils vont souffrir aussi, et ton amour te suivra longtemps. Quand je voulus me lever, la négresse dut me soutenir. C'est que je croyais très fort au présage. Et Jamila Debbèche, qu'allez-vous demander encore à votre étoile de chance? Voyager, puisque j'aime les voyages. Et mon rêve serait évidemment de connaître ces îles merveilleuses, toujours ce goût de liberté et d'indépendance. Jamila Debbèche, faisons confiance à votre étoile. C'était L'étoile de chance, une émission de Marguerite Taos. Aujourd'hui, Djamila Debbèche. Assistante de production Jeanne Dutray. Prise de son Jean Méry. Réalisation Marcel Sicard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 décembre 1962. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.